Bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isanganiro et bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Célébration ce samedi de la journée internationale de l'Institut Confucius qui enseigne la langue et la culture chinoise au Burundi. Son directeur se dit satisfait de l'avancée de cet institut. Arrestation de 5 fidèles du député Agathon Rwasa dans la province de Lomongue. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale. Le député élu dans cette circonscription parlait plutôt de l'intolérance politique et en actualité internationale. Nous vous parlerons de deux policiers tués en Hongrie ce samedi soir. Tandis qu'aux États-Unis, 5 personnes ont aussi été tuées dans un centre commercial. Mais la FBI écarte toute hypothèse d'un acte terroriste. Bienvenue, la mise en onde est assurée par Emeto Samite aussi. Obin Nyonguru à la présentation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Le corps d'un certain Nyonyangunze, originaire de la commune Songa en province de Bururi, a été retrouvé dans une vallée de la colline Murambi en commune et province de Rumonge ce dimanche matin. Douayo Ernest, chef de la zone Buruhukiro, qui a été sur les lieux du crime, indique avoir constaté que le défunt a été visiblement tué à coups de bâton. Nyonyangunze venait de rentrer de la République démocratique du Congo, présentant des signes d'un malade mental. Les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés, selon toujours le chef de la zone Buruhukiro, qui précise que l'enterrement du défunt a été à Buruhukiro, même en présence de sa famille. 5 fidèles du député Agathon Rwasa en commune et province de Lomongue sont dans les mains de la police de Lomongue depuis l'après-midi de ce samedi. Ils sont accusés de tenir une réunion illégale, ce que rejette un député élu dans la circonscription de Lomongue qui évoque plutôt une intolérance politique. Le point avec Jean-Pierre Misago. Tous les 5 ont été arrêtés sur la colline Mayengo en zone Kigwena de la commune Lomongue l'après-midi de ce samedi. La police et le service national des renseignements de Rumonge qui les ont arrêtés, les accusés de tenir une réunion illégale sans permission chez un certain Étienne Nigirinzigo où il s'était rencontré à plus de 70 membres. Professeur Indonésien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, dit que la police en a arrêté seulement cela car les autres ont pu se sauver. De son côté, Obed Nakiruta, député indépendant élu dans la circonscription de Rumonge, explique que ses FNL pro-Gwasa participaient dans des cérémonies de dot, des cérémonies ignorées pourtant par l'entourage selon la police de Rumonge. À ce sujet, Obed Nakiruta dit que dans une fête, l'organisateur invite ce qu'il veut et demande leur libération car, selon lui, aucune charge ne pèse contre eux. À propos des informations qui font état d'une influence de certains Imbonerakure sur l'officier de police judiciaire instructeur de ce dossier, le commissaire provincial de police à Rumonge dit ne pas en être au courant. Au moment de leur arrestation, ils étaient à 7, mais une femme et sa fille ont été immédiatement relâchées. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Zorumonge, rendons-nous à Muyinga pour parler environnement, où environ 550 hectares de boisement de l'État ont été emportés par les incendies en cette période de sécheresse. Le chargé de la protection de l'environnement dans cette province affirme qu'aucun dossier relatif n'a été tranché car les présumés auteurs sont en cavale. De Muyinga, l'Edsavec et Dieudonné Nzeyimana. Le boisement de l'État récemment emporté par l'incendie est celui de la commune Ngoyo, commune Muyinga. Des enfants gardant les vaches mercredi ont allumé ce feu qui a ravagé environ 25 hectares. Des propriétés des privés ont été touchées parmi les dégâts, un champ de manioc et une vingtaine de ruches pour abeilles parties en fumée. Le responsable de l'Office de protection de l'environnement a saisi 10 vaches. 3 chefs de ménage à qui appartiennent ces vaches ont plutôt pris le caval. Les femmes des fugitifs ont pu récupérer leurs troupeaux vendredi. Au total, dans toutes les communes de la province, 115 hectares avaient été emportés par les incendies jusqu'au mois de juillet, d'après Cyprien Avdialima, un assuré de la protection de l'environnement en province de Muyinga. À chaque incendie, un dossier judiciaire est ouvert, mais jusqu'à l'heure actuelle, aucun cas n'a été tranché car les présumés auteurs prennent le chemin de l'exil. L'auteur de l'incendie risque l'emprisonnement de 10 à 20 ans ou une amende de 50 à 500 000 francs burundais. Pour le responsable de l'environnement en province de Muyinga, les fugitifs devraient plutôt comparaître pour se justifier. De Nzeyimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais dans le titre, l'Institut Confucius, qui enseigne la langue et la culture chinoise à l'Université du Burundi et dans certaines écoles secondaires de Bujumbura et de Gitega, est à une avancée significative. Déclaration faite hier par le directeur national de l'Institut Confucius lors de la célébration de la journée internationale de cet institut. Le point avec Evariste Ndikomanyang. Les effectifs de ceux qui apprennent la langue et la culture chinoise, c'est la raison qui pousse Joseph Nzeyimana, directeur national de l'Institut Confucius, de dire que la plupart des étudiants de l'Université de Burundi et les élèves des écoles secondaires de Bujumbura et de Gitega viennent nombreux se faire inscrire dans cet institut. D'abord, à l'Université de Burundi, on a déjà formé plus de 8000 étudiants qui sont passés sur les bancs de l'école en apprenant le chinois et la culture chinoise. Et parmi eux, il y a plus de 4500 qui ont des certificats. Là, je veux dire les certificats de l'apprentissage du chinois fondamental et les certificats de l'examen qu'on appelle HSK. Dans les écoles secondaires, nous avons initié la langue chinoise il y a plus de 2 ans. Et là, nous avons aussi plus de 6000 élèves dans cet établissement des écoles secondaires ici à Bujumbura et à Gitega. Ceux qui réussissent la langue chinoise bénéficient d'une bourse pour aller poursuivre son cours en Chine, indique le directeur national de l'Institut Confucius au Burundi, Justin Yukuri, un des étudiants qui ont été en Chine pendant une année, explique l'importance de connaître la langue et la culture chinoise. Moi, à mon avis, c'est très important parce que depuis que j'ai commencé à étudier le chinois, je peux dire, entre guillemets, dans mon cerveau, ça m'a grandi. Et pour le moment, je connais beaucoup de choses. Tu as été en Chine, qu'est-ce que tu as constaté? En Chine, j'ai constaté beaucoup de choses. J'ai vu comment les autres vivent. Moi, au Burundi, je peux pratiquer. En base des connaissances que j'ai acquises en Chine, je peux pratiquer ici au Burundi et puis avancer en prospérité. Il y a certains qui pensent que connaître la culture chinoise peut influer sur la culture burundaise. Le directeur national de l'Institut Confucius tranquillise. La culture chinoise ne vient pas dominer la culture burundaise. Elle vient plutôt pour compléter dans les connaissances de l'élève, dans les connaissances de l'étudiant. Et c'est la culture burundaise, la culture nationale qui prime. Mais à côté de ça, comme on a remarqué que la culture chinoise, il a beaucoup d'éléments qui se ressemblent à la culture burundaise, ça ne se fait que se compléter. Ça se complète et quand un élève ou un étudiant il connaît comment écrire les caractères chinois, c'est déjà un bénéfice pour lui. L'Institut Confucius a été créé en 2004 en Corée du Sud et a déjà ouvert ses portes dans plus de 130 pays du monde. Il existe au Burundi depuis 2012. Evariste Nzikobanyanga. L'équipe Dynamo de Bujumbura a battu l'équipe Imbeya de Gitega à un score de 70 contre 59. C'était lors de la finale du championnat national de basketball qui se déroulait à Gitega. L'équipe Dynamo chez les hommes et l'équipe Berkostar chez les filles vont représenter le pays lors du championnat des pays qui font partie de la zone 5 qui va bientôt commencer. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En Hongrie, 2 policiers ont été blessés par une forte explosion qui a secoué le centre de Budapest ce samedi soir. Aux États-Unis, 4 femmes et un homme ont été tués dans un centre commercial ce samedi, mais la FBI a fait savoir qu'il n'y avait aucun indice d'un acte terroriste. Le point avec Karine Boutoy. Au Maroc, la campagne pour les élections législatives s'est ouverte ce samedi hier. Un nouveau scandale est venu éclabousser deux membres du Parti de la Justice et du Développement. Selon le site RFI, à la tête de la coalition gouvernementale, le PGD a connu ces dernières semaines des affaires particulières gênantes pour le Parti islamique à l'approche du scrutin. Toutes sont des affaires de mœurs et d'adultère, des liaisons contraires à la morale de ce parti religieux, mais aussi punies par la loi. Dans ce même pays, les relations extra-conjugales sont passibles d'une peine de prison. En Hongrie, selon un communiqué obtenu par l'AFP, l'explosion qui n'a pas provoqué d'incendie s'est produite à 22h30 dans le sous-sol d'un immeuble de bureau situé en un carrefour fréquenté de la ville. Selon le site RFI, des policiers ont été blessés lorsqu'ils effectuaient une patrouille non loin de là lorsque l'explosion s'est produite. Les deux fonctionnaires ont été hospitalisés, comme le précise le texte mis en ligne sur le site de la police. Aux États-Unis, une tuerie dans un centre commercial a provoqué la mort de 4 femmes et un homme. La FBI a fait savoir qu'il n'y avait aucun indice d'acte terroriste. Selon le site Le Monde, la chasse à l'homme a duré 24 heures. La police a annoncé l'arrestation de tueurs présumés un homme nommé Arka Setan de 20 ans, né en Turquie. Merci à Karine Boutoyi, ainsi sur Revermes au journal. Merci à vous tous qui le suivez. Merci aussi à Aimé Toussaint pour sa parfaite collaboration technique. Bonne soirée à tous.